Hébreux chapitre 7. Car ce Melchisédek était roi de Salem, et sacrificateur du Dieu souverain, qui vint au devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des rois, et qui le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, et puis il a été roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à toujours. Or considérez combien grand était celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Car quant à ceux d'entre les enfants de Lévi, qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire, de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'est point compté d'une même race qu'eux, a dîmé Abraham, et a béni celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, celui qui est le moindre est béni par celui qui est le plus grand. Et ici les hommes qui sont mortels, prennent les dîmes, mais là, celui-là les prend duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant. Et, par manière de parler, Lévi même qui prend des dîmes, a été dîmé en Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek vint au devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur se leva selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne fut point nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites, appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. Et cela est encore plus incontestable, en ce qu'un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, est suscité, qui n'a point été fait sacrificateur selon la loi du commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend ce témoignage, « Tu es sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. » Or il se fait une abolition du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse, et parce qu'il ne pouvait point profiter. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, savoir, une meilleure espérance, par laquelle nous approchons de Dieu. D'autant plus même que ce n'a point été sans serment. Or ceux-là ont été faits sacrificateurs sans serment. Mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance que la première, que Jésus a été fait le garant. Et quant aux sacrificateurs, il en a été fait plusieurs, à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, il a une sacrificature perpétuelle. C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Or il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. Qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois, s'étant offert lui-même. Car la loi ordonne pour souverain sacrificateur des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, ordonne le Fils, qui est consacré pour toujours.